Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile Plus Sûr sur l'antenne du 94 MHz, Canal B également, émission disponible à partir de son blog asile35.blogspot.fr avec toutes les playlists et aussi les podcasts permanents et les écoutes en streaming, c'est à partir du mixcloud.com/redman. Ravi de passer cet excellent long week-end de la Pentecôte en votre compagnie. Alors, c'est un peu dur de s'y mettre en ce lundi pour attaquer la semaine ou pour bien la finir, je ne sais pas trop comment dire, et on va attaquer avec un musicien américain qu'on retrouve, qu'on vous avait déjà proposé dans cette même émission, notamment à l'occasion de la compilation Choice, qui illustrait 30 ou 35 ans de sa longue carrière discographique et sonore. Il s'agit du compositeur minimaliste et artiste multimédia américain expatrié en Allemagne depuis le milieu des années 80, Arnold Dreiblatt, qui est quelqu'un qui a étudié aux côtés de Pauline Oliveros, de Lamonté Young ou encore d'Alvin Lucier, soit un peu la sacro-sainte trinité de la musique minimale et nouvelle américaine. Il a aussi collaboré aux activités du groupe Fluxus. Arnold Dreiblatt, qui crée depuis plus de 35 ans un type de composition très original avec un système d'accordage assez particulier, un côté répétitif très inspiré par le rock ou les musiques des Appalaches. Il a créé son orchestre à géométrie variable, The Orchestra of Excited Strings, en 1979, avec lequel il a commencé à se produire et à enregistrer à partir du début des années 80. Et c'est d'ailleurs vers cette époque qu'on va se projeter pour démarrer l'Asile de cette semaine, avec la réédition de son tout premier album, je crois que c'est son premier disque historique, Nodal Excitation, qui était paru sur le label plutôt estampillé Jazz Free et contemporain Indian Navigation, un disque de 1982 qui revoit le jour grâce au label Drag City, qui a récupéré le catalogue Dexter Cigar qui avait réédité précédemment ce Nodal Excitation, qui ressort en ce mois de mai en vinyle et en CD. Je propose donc d'attaquer avec cette pierre angulaire des musiques minimales et aussi un peu estampillée rock et la musique musique d'Arnold Dreblatt et son Orchestra of Exciting Strings, le morceau Harmonix qui va permettre de démarrer très gentiment l'émission d'Asile de cette semaine. We'll be right back. جمال من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند دیگر ایز طره اش کردم و از سر فسوس گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند Première séquence pour se bien se mettre en jambes dans l'asile le plus sûr. J'en bafouillerai presque. Tout d'abord, l'orchestre des cordes excitées d'Arnold Dreblatt. Donc, un disque un peu fondateur des musiques minimalistes qui lorgne aussi du côté du rock. Réédité ce premier disque Nodal Excitation de Monsieur Dreblatt par les bons soins du label Drag City. Ça sort ces jours-ci, cette réédition. Le disque n'était plus disponible depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. Il était sorti à l'époque en 1982 en vinyle chez India Navigation. Excellent disque donc d'Arnold Dreblatt and the Orchestra of Exciting Strings qui était enchaîné avec le trio des Chemirani, monsieur Jamich Chemirani qui a 72 ans au compteur, accompagné par ses fils Biwan et Kevan aux arbres, centour, daf et autres zaz de originaire de la Perse. Voilà donc un disque sorti par le label Harmonia Mundi en début d'année sous le titre Dawar. On retrouve donc la famille Chemirani qui sort assez peu de disques. Il y a à peu près eu 3 albums en 12 ans. Et celui-ci est vraiment très très bon. Donc mélange voix-percussion. Il y a beaucoup de pièces très très virtuoses aux percussions. Et des choses comme celles qu'on entendait qui ont un petit côté un peu blues. Blues du Moyen-Orient. Donc les Chemirani, excellente... famille virtuose des musiques persanes qu'on suit depuis une bonne vingtaine, trentaine d'années. Ils avaient d'ailleurs participé il y a de ça quelques années au festival Les Arts Agar. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le festival Les Arts Agar démarre très bientôt. Ce sera le week-end en 8 du 5 au 7 juin. Donc Agar en périphérie de Rennes, plutôt du côté d'Entrain, dans le pays d'Aubigné, pas très loin de la forêt de Liffré. Et Gare qui propose, comme chaque année, une programmation très très riche qui mélange musique traditionnelle et musique improvisée ou libre, et ce depuis une bonne dizaine d'années, puisque c'est la 11e édition cette année. Et vous pourriez y retrouver aux Arts à Gare entre le 5 et le 7 du chant mongol, du chant indien, également du chant basque, aussi du chant d'expression vocale libre, et également des ateliers pour les enfants et également les adultes, ateliers de chant diphonique ou d'expérimentation vocale menée par Géraldine Keller, qui proposera d'ailleurs un duo avec Jean-Louis Capuzzo, trompette et voix en musique plutôt improvisée. Et on va tout de suite passer une musicienne qui se produira le dimanche 7 juin aux Arts à Gare, ce sera à 16h. Il s'agit de Kanan Domour Kakli, la fameuse chanteuse et archéologue d'origine turque à Lévis, qui se produira donc dans ce festival, toujours à la voix et au saz, avec donc comme toujours ses poèmes d'amour originaire des Assyques d'Anatolie du Moyen-Âge. Et je propose d'écouter un extrait du disque qu'elle a sorti cet hiver grâce au label Revue La Voix des Sirènes. C'était un CD qui accompagnait la 6e livraison du magazine La Voix des Sirènes, avec une très belle interview d'ailleurs de Kanan Domour Kakli, et le disque s'appelle Gouz et Yémé. On vous l'avait déjà proposé, c'était à peu près il y a de ça 2-3 mois, cet hiver, et je propose d'écouter un nouveau titre donc de ce Gouz et Yémé par Kanan Domour Kakli. Derdime derman efendim. ponds, rhythms rattle on deaf ponds, rhythms rattle on deaf ponds. Risen on rhythms rattle on deaf pawns, deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, deaf pawns, rhythm rattles on deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, deaf pawns, rhythms rattle on deaf pawns, la la la la la la. Risen. À l'instant, dans la suite le plus sûr, vous avez pu entendre une séquence avec deux femmes musiciennes assez atypiques. Tout d'abord, Kanan Domourkakli, qui fait perdurer la tradition des assiques anatoliens en chantant leur poésie courtoise du Moyen-Âge, en s'accompagnant au saz, donc musicienne et aussi archéologue d'origine turque qui vit du côté de Bordeaux, si je ne m'abuse. Je crois qu'elle a une chaire en archéologie à la fac de Bordeaux, et vous pourrez la retrouver au festival Les Arts à Gare, 11e édition à côté de Rennes. Ce sera donc le 7 juin, le dimanche, à partir de 16h, pour ce solo voix et saz qui risque d'être assez prometteur. Et juste après, pour clôturer en beauté le festival, l'excellent duo entre le saxophoniste rennais Baptiste Boiron et le trompettiste émérite et aussi vocaliste, et pas piqué des hannetons, Médéric Collignon. Ça sera à partir de 17h30, donc pour clôturer le festival Les Arts à Gare, et le vendredi donc de la musique mongole avec des ateliers de chant diphonique le samedi, Géraldine Keller et Jean-Luc Capozzo, et puis pas mal d'autres choses également. Erwan Keravec et sa cornemuse endiablée en compagnie de Benyat Hachari. Donc tout ça aux Arts à Gare. Plus d'informations sur le site art au pluriel Agare, gahard.org. Et c'était enchaîné cet extrait du premier disque de Kanan Domourkakli, Gouzélémé, avec une vraie découverte de cette semaine en la personne de Madame Mutamassik, Julia Loli, Molly de son vrai nom, qui est une exploratrice sonore d'origine italo-égyptienne qui vit aux États-Unis depuis qu'elle a 5 ans, depuis la fin des années 70, et qui officie sous le nom de DJ Muta Masik depuis à peu près le milieu des années 90, avec des disques sortis d'ailleurs sur des labels plus ou moins officiels, tels que Capitol. Et elle continue son petit bonhomme de chemin de manière assez incroyable avec ce disque solo sorti sur l'excellent label Discrépante, le label britannique qui avait coproduit l'excellent disque de musique libanaise électroacoustique, le combo Malayin, qu'on vous avait pas mal passé aussi cet hiver, le projet entre Charbel Abel, Rayassin et le troisième dont je n'ai pas retrouvé le nom, donc le projet Malayin, et qui récidive donc avec ce Symbols Follow par Muta Masik, excellent 33 tours avec une pochette magnifique. Muta Masik qui a une grosse culture aussi en musique free, jazz free contemporain américain. Elle a énormément écouté ses musiques, d'ailleurs on l'a retrouvé aussi sur des disques de la scène jazz contemporaine américaine, tels que par exemple un disque de George Lewis, Sequel, où elle tenait les turntables. Elle a aussi un duo en compagnie de Morgan Kraft sous le nom de Rough Americana. Et pour ce Symbols Follow, on la retrouve entièrement seule, électronique, scratch, percussion, voix, et aussi des parties de violoncelle avec une inspiration très musique arabe sur la plupart des pièces. Ça alterne des choses assez rythmées et assez contemporaines comme celles qu'on a pu entendre, et des choses un peu plus traditionnelles mais retraitées par son talent d'électro-acousticienne. Un très très beau disque que ce Symbols Follow de Muta Masik, avec un K à la fin, qu'on vous reproposera certainement dans un prochain épisode de L'Asile le plus sûr. On va continuer avec tout autre chose, et du psyché vraiment pur sucre, en compagnie de Bardo Pond, groupe qui a émergé à Philadelphie à la fin des années 80. Il s'agit du projet des frères guitaristes Michael et John Gibbons, en compagnie de la chanteuse et flûtiste Isabelle Solenberger. Alors, ils ont sorti quantité de choses. On vous a déjà passé assez régulièrement la musique de ce projet qui est vraiment dans le psyché le plus prononcé du genre, mais un psyché plutôt freeform, comme on dit, outre-Atlantique. Donc il lorgne aussi du côté des musiques avant-garde, et c'est le cas aussi pour ce nouvel album sous le titre Is There A Heaven, sorti chez Fire Records au mois de mars. C'était pour le Record Store Day britannique, je crois. Et deux pièces de 15-20 minutes chacune. Sur la face B, qu'on ne vous passera pas ce soir, une reprise de Music is Healing Force of the Universe, le fameux titre de la fin des années 60 de Albert Ayler. Et là, je propose, c'est une reprise de Brian Ferry, In Every Dream Home, Heart Take, qu'on écoutera qu'en partie, parce qu'il fait pas loin de 15 minutes ce titre de Bardo Pond. Thank you. Nouvelle séquence de joyeuseté dans l'asile de plusieurs sur antenne du 94 MHz avec tout d'abord le dernier Pardopond en date. Il s'intitule Is There a Heaven avec un extrait de cette face A In Every Dream Home Her Take. Une pièce de Brian Ferry reprise par le combo psyché assez heavy et assez fuzz et assez free aussi sur les bords Bardopond, toujours très très bon avec cette voix assez proche de l'incantation de la chanteuse du combo de Philadelphie, Isobel Sullenberger, qui n'est pas pour rien dans la qualité de leur musique et qui était enchaîné avec le duo allemand Jealousy Mountain duo, Miss R. Berger est à la guitare et R. Schneider à la batterie. Là il s'agissait non pas d'un extrait de leur troisième opus, le numéro 3 qui est sorti à l'automne dernier, mais du deuxième album qu'avait sorti cet excellent duo basé en Allemagne, qui pratique une sorte de croisement entre free rock, mat rock aussi, et une sorte de noise improvisé de très très très bon goût. Ce deuxième disque qui était sorti en 2012 sur l'étiquette Blue Noise, qui est leur propre label je pense, qui édite régulièrement leur musique. Et les Jealousy Mountain Duo sont en tournée en ce mois de juin en France, et ça c'est plutôt une excellente nouvelle, avec une série de concerts. Enfin, il y en aura deux, tout d'abord à Poitiers le 12 et à Rennes ce sera le samedi 13 juin très exactement, donc dans une bonne quinzaine de jours. Et c'est les gens de la Maison de la Grève qui vont accueillir cet excellent duo terrible Jealousy Mountain. Et je crois qu'il y aura aussi une autre formation de Noise Hexagonal, Noise Impro barré sous le nom de Gondang Music Boxing. D'après mes sources, ce sera un week-end assez chargé, puisque la veille, le 12 juin, il y aura aussi un sacré programme avec des Lyonnais et du Saz électrifié d'ailleurs, le projet Satonais, et aussi des gens, donc pas mal de gens de Lyon, et aussi une Lilloise assez perchée, Madame Julie Fossert. Donc pas mal de choses du côté de la Maison de la Grève. Donc si vous voulez aller voir les programmations, c'est sur le site maisondelagreve.boom.org, et pour s'y rendre, l'adresse c'est juste en face du bar Le Delta, au 37 rue Le Graveran, même si je pense que ces concerts devraient être délocalisés. Il devrait y avoir plus d'informations sur le site très prochainement, et notamment la confirmation donc de ce week-end des 12 et 13 juin, et notamment la date du 13 avec les terrifiants Jealousy Mountain Duo. On va continuer avec tout autre chose et un projet japonais, mais un projet japonais totalement mystérieux, qui officiait à la fin des années 70, début des années 80, sous le nom de Tolérance, un duo apparemment originaire d'Osaka, qui pratiquait des traitements et textures d'inspiration un peu pataphysique. C'était un duo entre Junko, qui n'a rien à voir avec la chanteuse, la passionnariat du free noise actuel. Junko, celle-ci, pratiquait les claviers et les voix, aux compagnies de Masami Yashikawa, qui lui était à la guitare. Et donc sur ce projet Tolérance, qui a sorti deux disques sous l'étiquette Vanity, qui réédite ce premier opus de 1979, qui est un disque très très étrange, comme on les aime dans les îles de Pussure. Je propose d'écouter le titre de Tolérance, Juin Irénée. I'm not going to do that. séquence un tantinet hanté avec des musiques qui font peur. Dans l'asile le plus sûr, tout d'abord, on a entendu le duo entre Junko Tanjo et Masami Yoshikawa, alias Tolérance, qui était un duo plutôt de musique un peu mi-no-wave, mi-expérimentation dada, qui était basé à Osaka à la fin des années 70, début des années 80, qui a sorti deux disques. On écoutait le tout premier qui s'appelait Anonyme, qui paraît-il est nettement meilleur que le second. En tout cas, c'est celui-ci qui vient d'être réédité grâce aux bons soins du label Vanity Records, qui réédite son catalogue, son propre catalogue. Ils avaient sorti aussi des compilations très très bonnes il y a de ça 2-3 ans, qui résumaient un peu ce qui pouvait bouillonner dans le Japon de la fin des années 70, début des années 80. Et puis on a enchaîné avec un album de James Welburn sous le titre Hold, sorti par le musicien Svart Greiner, Eric Skodfkin, et son label Miasma, donc musicien norvégien qui s'est délocalisé à Berlin, de même que son label qui est très très actif. On les connaît notamment pour par exemple les disques de BBS que je vous ai pas mal passé dans l'asile le plus sûr. Et James Welburn, qu'on connaît pas très très bien, mais qui est quelqu'un qui est pourtant officier à la basse dans pléthore de groupes de free rock en Grande-Bretagne depuis le début des années 90. Et sur ce Hold, on le trouve aux côtés de l'excellent batteur percussionniste australien de The Next, pour un mélange de noise et drone entre shoegaze, black metal et expérimentation. James Welburn, qui est quelqu'un qui officie aussi au sein de Transit aux côtés du même Tony Buck, qui est un projet qu'on vous avait proposé il y a de ça quelques mois, avec un disque qui était sorti chez Monotype. Voilà donc pour la musique de monsieur, de sir James Welburn. Et on se termine avec une séquence et des très très longues pièces, des très très longues pièces qui marquent la rencontre entre Philippe B. Killinger, alias PBK, en compagnie de Jim O'Rourke. Ils viennent de faire paraître ensemble une collaboration. C'est sorti sur le label du noise norvégien Lasse Morog et son excellent label que je retrouve, Pika Records, double vinyle Unidentified Again. Et c'est vrai que ça porte vraiment très très bien son titre, cette rencontre entre PBK et Jim O'Rourke, qui apparemment étaient des musiciens qui voulaient collaborer depuis les années 80, puisque PBK est quelqu'un qui pratique les musiques électroacoustiques entre manipulation sonore, sampling analogique et digital, un peu dans la scène post-industrielle depuis le milieu des années 80. Il a notamment collaboré aux côtés de Asmus Tichens, de Jarbo, des Swans ou encore d'Aube. Et donc c'est chose faite grâce à cette galette double vinyle sortie par Pika Records. Les voilà enfin réunis, et c'est plutôt très très bon, entre musique granulaire et paysage habité par des ectoplasmes. Voilà donc pour cette rencontre, Unidentified Again, par PBK et Jim O'Rourke, qui est plutôt nettement plus recommandable que le tout dernier album de Jim O'Rourke, qui est un peu difficile à entendre en ce qui me concerne. L'album Simple Songs, qui est un disque de chansons sorti chez Drag City pour l'ancien Gastro del Sol, qui réside toujours à Tokyo depuis une bonne quinzaine d'années, et qui fait paraître à intervalles assez réguliers d'ailleurs des choses en solo, plutôt dans les musiques un peu granulaires et dans l'expérimentation sonore. Et il s'est fondu donc un disque de chansons nettement plus dépouillées, qui doit être plutôt intéressant quand on est anglophone. mais c'est nettement moins intéressant en ce qui me concerne. Voilà, on va continuer avec une rencontre improvisée entre un saxophoniste dont on vous parle assez régulièrement dans cette même émission. Il s'agit de John Butcher, dont on avait eu l'occasion de passer la rencontre avec Andy Moore, guitariste de ZX, sorti sur l'excellent label Unsounds, le propre label de Monsieur Moore, sous le titre Experiments with a Leaf. Et John Butcher a quantité de disques qui sortent ces temps-ci, des solos et puis pas mal de duos. Là, je propose de l'écouter aux côtés de Gino Robert, qui est un percussionniste de la Bay Area de San Francisco, qui est quelqu'un qui a démarré aussi au milieu des années 80, notamment aux côtés d'Anthony Braxton. Il a joué un peu avec tout le woo-woo des musiques free et libres aux États-Unis et aussi en Europe. Il joue aux côtés de John Butcher depuis pas mal d'années. Il avait notamment un trio en compagnie de Derek Bailey de son vivant. Là, il s'agit donc d'un disque qui s'intitule Bottle Breaking Heart Leap, sorti en vinyle grâce à l'excellent label Alt Vinyl, label britannique, qui produit ces deux pièces enregistrées en concert à Leeds en 2012, le 3 mai très exactement, dont on va écouter un bout de la face A. On écoute John Butcher et Gino Robert dans l'Asie le plus sûr. Thank you. une séquence d'impro jazz pour bien terminer l'asile de cette semaine qui a démarré avec la rencontre entre John Butcher au sax et différents vents et Gino Robert aux différentes percussions. L'album s'intitule Bottle Breaking Heart Leap et c'est une excellente rencontre entre ces deux musiciens, l'américain Gino Robert et l'anglais John Butcher, avec une captation de concert vraiment magnifique, une très très belle pièce improvisée sortie en vinyle par le label Alt Vinyl, qui était enchaînée avec un nouvel opus de la famille Gonzalez, Denny Gonzalez, Yells at Hills in Quiet Waters, sous le nom du cornettiste trompettiste qui continue un peu l'œuvre du jazz free, très inspiré et très spirituel, façon un peu Lester Bowie ou Roy Campbell, les trompettistes regrettés américains. Et Denny Gonzalez qui sort régulièrement des choses depuis 20-30 ans et là, qui est aux côtés d'une section rythmique constituée par Stéphane et Aaron, ses propres fils. C'est un trio avec lequel il produit assez régulièrement et parfois aussi avec un autre batteur. Excellent disque de bout en bout avec des pièces majoritairement enregistrées en live et des pièces aussi très enlevées et très très inspirées. Donc ce disque de Denis Gonzalez, Yells at Hills, qui est une très belle entrée en matière si vous ne connaissez pas la musique de ce trompettiste américain. C'est sorti chez Fortune. Voilà, on va se quitter avec un dernier titre et un disque plutôt de musique un peu pour triper. La formation The Pitch et le disque Frozen Orchestra Amsterdam, sorti par l'étiquette norvégienne Sofa. The Pitch, qui est un ensemble plutôt microtonal improvisé entre Boris Balchun à l'orgue électrique, Quen Nutters à la contrebasse, Morten G. Olsen au vibraphone et Michael Tieck à la clarinette. Un quartet berlinois qui a déjà sorti des choses et qui rencontre pour cette occasion des musiciens, d'autres musiciens européens tels que Lucio Capecce, clarinettiste basse, Valerio Tricoli qui est au Revox, Robin Eward au tuba, Chris Iman à la clarinette contrebasse. Il y a aussi Johnny Chang au violon et Okyung Lee au violoncelle. C'est une rencontre enregistrée en avril 2012 au Sonic Asks de Amsterdam. Deux pièces enregistrées donc sur ce vinyle et donc une improvisation microtonale d'inspiration un peu contemporaine et très très agréable à l'écoute, qui me fera une très très bonne conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des playlists et des émissions précédentes sur le site asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite une excellente semaine de reprise, une très belle nuit aussi. À bientôt.